Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h si vous avez manqué le début. Cette semaine, on rediffuse « Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent ?» une série documentaire de Juliette Boutillier, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'impact et les ricochets de l'affaire Weinstein, et désormais, le premier anniversaire du hashtag MeToo et de son cousin Balance ton porc. Il y a aussi les zones désespérément grises du consentement, une pétition sur le droit d'importuner les femmes dans le métro, rédigée par celles qui ne le prennent pas. Et puis ce constat, qu'à nous, en tous les cas, il n'est jamais rien arrivé, et soudain, ces dizaines d'histoires qui nous reviennent. Alors il y a les conversations que l'on a avec les garçons, et cette question qui reste. Comment se fabriquent les hommes? Parce que l'on ne naît pas homme non plus, on le devient, et qu'après tout, il est probablement une femme comme les autres. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui a peur, une collégienne qui a tout compris, un homme du XXe siècle, un chanteur qui fait rimer viril, un jeune homme qui s'est choisi, une mère qui a veillé, une femme curieuse, un père qui choisit un nouveau prénom pour son fils, et une photographe face aux archétypes. Ensuite le décor, des cours de récré, des villages, les souvenirs des premiers troubles, le masque de Zorro, des vestiaires, des questions sur le pénis, la virilité comme un rôle, une salle de boxe, la voix de Barbara et des écoles catholiques. Aujourd'hui, premier épisode, on déroule un grand écran. C'est un homme pour vous. C'est quelque chose qui me fait un peu peur. Pourquoi? Pour moi, c'est un peu complexe. Je sais pas comment vous dire. Non, c'est quand même quelqu'un qui restera toujours auprès de moi, qui quand même... À marcher le ménage, non, parce que c'est quand même bon, c'est le rôle de la femme, mais qui tiendra quand même une grande partie dans ma vie. Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent? Interroger le genre, c'est quoi un garçon? Vincent Deck, Juliette Boutillier. Pour moi, un garçon, c'est... Parfois, c'est... ça peut être... les filles, elles sont... les garçons, ils sont souvent séparés, ce qui nous donne pas trop l'occasion d'apprendre à les connaître. Et du coup, ça devient un être un peu flou, un peu distant. Et parfois, on a l'impression d'avoir deux clans entre les garçons et les filles. Et quand il y a l'amitié entre garçons et filles, c'est forcément de l'amour, alors que ça devrait pas forcément être ça. Pour moi, un garçon, c'est quelqu'un d'autre. Mais qui est cet autre? Ce mâle, ce man, ce bonhomme, ce male, cet homme, cet uomo, cet hombre, ce jeune homme, ce vieillard, cet adolescent, ce boy, ce mec, ce gars, ce jouvenceau, ce macro, ce garçon boucher ou d'écurie, de salle ou de bibliothèque, ce lover, ce puceau, ce caïd, ce barman, ce sauvageon cow-boy. Enfant, le premier garçon que je rencontre, c'est moi. Petite fille, je porte des shorts, je pédale aussi vite que mes copains et je sais aussi bien qu'eux veller les vaches. Je suis un garçon manqué. En Amérique, on m'aurait appelé Tomboy, comme l'on appelle Sissy Boy, les petits garçons qui jouent à la poupée. Si l'on arrachait aux garçons la nature biologique, puisqu'il ne suffit plus de posséder l'organe, que resterait-il du sentiment intime de se sentir homme? Être un homme, c'est ce que je ne suis pas. C'est l'altérité que je respecte, à laquelle je ne veux ni me soumettre, ni me confondre. 1 plus 1 égale 2 êtres, j'aime la multiplicité, mais je n'aime pas la hiérarchie d'un modèle sur l'autre. Et je suis troublée par la confusion des genres lorsque les hommes se féminisent et emploient « séduite » pour « séduit » ou évoquent « mon mère » pour désigner leur maman. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un garçon ? Les caractéristiques d'un garçon, c'est plutôt... en fait, ils sont tous différents. Parfois, les filles peuvent penser qu'ils sont débiles, qu'ils sont un petit peu... Voilà. Mais... ils sont tous différents. C'est la moitié de la planète. Ils sont plusieurs milliards. Enfin, ils peuvent pas avoir une caractéristique à part leur sexe. Parfois, ils peuvent être sexistes, ils peuvent être n'importe quoi. Mais ils le sont pas forcément. Enfin, ça n'a pas une seule caractéristique première. Un garçon, c'est différent. Pour toi, est-ce que ça te parle si je te dis c'est quoi être un homme ? Oui, ça me parle fatalement. Ça me parle d'autant plus que peut-être je suis d'une génération où ce mot-là avait encore un sens. Moi, je suis quelqu'un du XXe siècle, finalement. Je répondrai différemment. Donc, si je parle dans mes souvenirs, on va dire, la masculinité, peut-être, c'est quelque chose qui m'a toujours, finalement, encombré. C'est quelque chose qui était en moi. Je ne dis pas que la féminité était en moi, la masculinité était là, mais elle m'encombrait. Donc j'allais plutôt, lorsque j'étais enfant, adolescent, vers le féminin, ce qui paradoxalement me manquait. Moi j'ai grandi dans un quartier à Marseille, à Saint-Just, quartier La Rose, enfin bon, des quartiers qui étaient quand même défavorisés, quand même, moins violents qu'aujourd'hui, mais quand même, où il y avait des codes, que j'avais d'ailleurs, j'avais pas de problème par rapport à ça, il fallait être un dur, bon c'est un bien grand mot quand on est petit garçon, mais souvent rester entre garçons par exemple, moi ça je comprenais pas, pourtant j'étais dans une école mixte, mais il faut avoir des copains, forcément, il y avait en fait des clans séparés entre les femmes, entre les petites filles et les petits garçons. Au lycée ça se durcit, je pense, encore plus, pas tant dans les gestes, le physique, que dans le mental. Il y a quelque chose qui nous emprisonne dans notre masculinité. On y a accès, mais c'est comme une porte qu'il faut... C'est comme s'il y avait un code à déverrouiller avant de pouvoir accéder à cette féminité-là. Je ne sais pas comment dire. Donc on reste quand même... On évolue guère. Et puis à un moment, on en a marre. Vers 20 ans, on n'en peut plus. Donc on quitte l'enfance, finalement. On quitte les lieux de notre enfance. Moi, je suis venu à Paris, j'ai fait une école de cinéma à la Fémis. Et là, on ne devient ni féminin ni masculin. On est une espèce de choc. Enfin, moi, je dis en tout cas. On est dans une perte. On n'a plus de genre. On erre parmi les choses. Voilà. Et ça a été quelques années comme ça. C'est assez difficile. Où il n'y avait ni masculin ni féminin en moi, curieusement. Peut-être une animalité, certainement. Mais bon, je ne sais pas. C'est ça qui m'a permis peut-être d'écrire, et ce doute-là, cette volonté de ne pas m'engager dans un ou dans un autre modèle, ou une partie, ou camp. Et l'écriture m'a réconcilié. Et donc là, les deux se sont enfin rejoints. La porte a été décadenassée et je suis entré. J'ai pu circuler d'une pièce à l'autre, du féminin au masculin, grâce à l'art, parce que j'écrivais à la fois pour des voix de femmes et des voix d'hommes. Je n'ai pas compris, Moritz. Avec lui, j'ai joué comme je jouais petite fille, avec mes amis ou mes poupées. Je déshabillais le petit garçon du moment. Je l'observais avec attention, les frémissements craintifs de sa peau nue, celle d'un rat ou d'une souris sous le regard d'un chat. La fin d'après-midi pressée me rentre dedans. Je suis une femme qui sait où elle va, sans bien savoir où la conduisent ses pas. Alors, tu sais que je travaille sur le masculin et la construction du masculin et de la virilité. Si je te demandais à l'emporte-pièce, qu'est-ce que c'est qu'un homme pour toi ? Alors, ça a été longtemps une source de mystère, je pense, personnellement. Enfin, par rapport à mon histoire personnelle, j'ai grandi qu'avec ma mère. Et j'ai très tôt fait des garçons mes amis, en fait. Je ne suis pas du tout dans un rapport de séduction, c'est assez étrange. J'ai beaucoup de mal... À être dans ce genre de rapport-là. Du coup, j'ai eu énormément de potes garçons très vite, très tôt, qui m'ont entourée. Moi, j'étais très contente d'être une fille. Je trouvais que c'était une dépression énorme, en fait, d'être un garçon. J'étais très contente de ne pas avoir à me bagarrer, de ne pas avoir à prouver quelque chose. Moi, j'étais un peu l'intellote et tout, et je faisais mon trou. Personne ne m'a jamais embêtée. J'avais mes amis alternatifs slash hippies. Enfin, je sais pas. Du coup, et de voir tout ce que devaient prétendre certains garçons et l'obligation comme ça, mais vraiment dans la période plus collège. Après, je trouve que ça s'atténue, mais cette obligation, cette injonction à une forme de virilité ou du moins de force, comment on dit, d'être graveleux dans la manière d'approcher, ça avait l'air pas simple, quoi. Et je trouvais ça très pesant. Après, encore une fois, très vite, j'ai eu des modèles de masculinité très différents autour de moi. Homosexuel ou pas, mais des formes des garçons qui se reconnaissaient pas là-dedans, et j'en ai très tôt fait mes amis. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est que j'avais envie de chercher cette différence-là aussi, quoi. De me dire, un garçon peut être autrement. Et après, dans ma vie amoureuse, c'était un peu la galère. Et donc, c'est pour ça que c'était quand même une source de fascination, en même temps d'une grande interrogation, quoi. Donc, ça m'a amené à m'interroger un peu sur ce que c'est que le pénis. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense, un mélange de curiosité de petite fille. Et comment dealer avec ça, quoi. Comment ça marche et toutes les différences qu'il y a. Parce que c'est, contrairement justement aux parties génitales féminines, c'est tellement là qu'on peut pas ne pas être intrigué, quoi. Enfin, je sais pas. Donc j'ai demandé à quasiment tous mes amis proches de genre masculin, une trentaine de garçons, s'ils accepteraient que je les interviewe au sujet de leur pénis. Et en fait, très vite, c'est allé dans des sujets tellement peu glorieux, drôles, cocasses, fragiles, que je me suis dit, mais en fait, les hommes ont soif de ça, je pense. Au début, je pense que je suis vraiment arrivée avec cette idée que la bite, c'était facile. Enfin, c'était mécanique, c'était simple. Et j'ai découvert que pas du tout, quoi. Tout comme il y a des fois, des moments où tout le monde me le racontait, ces fameux moments d'érection complètement improbables. Puis il y a toutes ces peurs et tout. Enfin, c'est des choses dont on parle très peu, j'ai l'impression. Je me souviens très bien de mes premiers émois sexuels. J'étais en grande section de maternelle. Mon père avait ramené le masque de Zorro. Bon, à l'époque, c'était des cassettes de VHS. Et donc, je regarde le masque de Zorro. Il y a une scène qui est absolument magnifique entre Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, où ils se retrouvent tous les deux dans une écurie, il y a le feu dehors, etc. Et lui, il sort son épée et il fait comme ça. Et là, t'as un plan sur Catherine Zeta-Jones, et là, tout tombe, et là, elle retient tout comme ça, tu sais, tous ses nénés et tout, et après, il s'embrasse et lui dit, il était vigoureux, très vigoureux. Et je m'en souviens que pendant cette scène, j'ai eu une sensation dans le bas du ventre tellement étrange, j'ai senti mon zizi durcir, et une sensation dans le bas du ventre tellement étrange, tellement chaude et... je m'en souviens très très bien, tellement chaude et tellement papillonnante et tellement fourmillante, et je sais pas ce qui m'arrive, j'ai 6 ans, et putain, c'est bon, quoi. C'est chaud. Et voilà. Zorro était ici, nous nous sommes battus et il est parti. Il est parti. Mais il était jeune et vigoureux. Il était très vigoureux, père. Oui. Après, la différence, c'est... Parfois, les femmes peuvent être jugées comme... Rose, paillette, Barbie, dauphin pailleté. Mais... Enfin, c'est pas forcément ça, les filles. Aussi, la masculinité, bah, ça peut... Parfois, il y a des gens qui sont transgenres, ils ont l'impression d'être... ils ont l'impression... Et un garçon, bah, peut avoir... peut être une fille à l'intérieur. Du coup, bah, tout perd son sens à partir de ce moment-là. Mais n'empêche que... Enfin, c'est une fille, c'est quand même différent d'un garçon, mais... J'étais l'enfant qu'on qualifiait de garçon manqué dans la cour de récréation parce que j'insistais beaucoup avec les garçons, je jouais aux petites voitures, aux petits soldats, j'avais horreur des robes et des poupées, donc c'était vraiment dans le cliché garçon manqué. Et ma mère voulait que je fasse de la danse comme elle, mais elle a accepté le fait que je veuille pas. Ma mère me disait « Oui, est-ce que tu veux te faire percer les oreilles ?» Moi, je voulais pas, et c'est pas pour autant qu'elle me forçait, donc voilà. Bon, je sais que des fois, il y avait eu des disputes pour des, bah, par exemple, des repas de famille où elle voulait que je sois plutôt coquette, Et c'était pas mon truc, et ils ont pris ça un peu comme des caprices d'enfant, mais ça passait, c'est pas très sérieux. En pensant que j'allais évoluer pendant l'adolescence. Dans ma famille, c'était complexe par le divorce de mes parents. Et quand j'ai commencé à vivre avec mon père, j'étais très très proche de mon père. Parce que ton père, chez qui tu vas vivre, lui, te fait des remarques. Comment ça se passe ? Alors, il a la technique de ne pas en parler, en fait. C'est-à-dire que il laisse faire les choses sans prendre parti. Parce que du coup, je en avais parlé, parce que moi, j'avais fait des recherches de mon côté par rapport à mon identité. Parce que je me sentais garçon et je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était une maladie. Donc ça me faisait un petit peu peur. Et quand j'en ai parlé à mon père, il s'est pas prononcé. Et ça a été ma belle-mère, on va dire, qui me poussait un peu dans ce côté féminin, dans le sens où elle me faisait des remarques. Ce serait bien que tu t'épiles les jambes ou des choses comme ça. Et d'avoir une féminité un peu plus imposante. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu dis que tu te sentais plus garçon ? C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un corps étranger, un corps qui m'appartenait pas. Enfin, ça l'est toujours, mais c'est une forme de souffrance, dans le sens où, malgré tout ce que je faisais, que ce soit des activités, mon style vestimentaire, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être moi-même et de vivre à fond ma vie. Du coup, j'ai eu un suivi psychologique pendant... depuis que j'arrive à mettre des mots dessus jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que j'ai découvert avec mon psychiatre, c'est que dans cette situation-là, on cherche plus à savoir comment résoudre cette souffrance-là que le pourquoi. C'est-à-dire que... je vais raconter une anecdote. Un truc tout bête, on était en voyage scolaire et on a fait un Action Vérité, j'ai choisi Action. Du coup, les filles de la classe qui m'avaient jamais vu maquillée ont décidé de me maquiller pour le gage, en fait. Et sauf que ça m'a fait paniquer. Ça m'a surpris, enfin je sais pas, c'était... Et comment ça se passait au collège ? Il y avait des gens, c'était dans la moquerie, c'était difficile ? C'était difficile. Des exemples tout bêtes comme les vestiaires en sport. Psychologiquement, aller dans les vestiaires des filles, ça me mettait mal. Et j'ai compris après que c'est parce que rentrer dans les vestiaires des filles, ça voulait dire que j'étais une fille et que je me résignais à l'être. Alors que c'est pas ce que je ressens au fond de moi. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Enchanté. Je suis guidée très tôt, trop fatiguée. Si, j'ai la voix dans les chaussettes aujourd'hui. Ça va aller ? Kid, cette chanson qu'on attendait tant. Moi, je l'attendais, cette chanson. Sois un homme, mon fils. Comment vous êtes imprégné? C'est venu comment, tout ça? Je crois que c'est avant tout un environnement global. Moi, j'ai été baigné avec un père qui regardait le football sur son canapé et qui me faisait sentir, en tout cas, que jouer à la poupée, c'était pas pour les garçons et qu'il fallait pas que il me retrouve jouer à la poupée ou même les larmes étaient très peu acceptées, même il y avait très peu de conversations, c'était toujours dans une sorte de tenue, de rigueur, de toujours de conquête, un peu de trouver un peu comme dans un championnat, de trouver toujours les objectifs, voilà, des buts. Il me disait, j'ai commencé à travailler à 16 ans, et j'étais vrai, je faisais quelque chose de concret, je travaillais et je gagnais mon argent et je me plaignais pas, et il me proposer ça tout le temps et là déjà rien que la fragilité de l'artistique était très peu acceptée. Deuxièmement, j'avais une mère aussi qui était très tenue, très stricte. Elle avait si peur d'être dépassée par un fils un peu débordant que elle en mettait vite les limites. Et ces limites-là, c'était que par la tenue, l'autorité, ce sentiment d'hiérarchie. Et donc du coup, elle tenait. Elle faisait face. Elle faisait affaire, cet air imperméable comme ça. Alors c'est pas vipère au point, mais c'est peu de secrets, peu de. Et donc ça forme déjà un environnement quand même très tenu, très très codifié par un truc sans faille, sans voilà, ça c'était chez moi. Et ensuite en bas, c'était plutôt les figures mâles, et ça c'était la représentation visuelle surtout, c'est que des tas de jeunes étaient dans une posture, une tenue qui montrait une certaine dureté, une envie comme ça de défiance, de défier, de tenue, voilà. Et cette phrase, tu seras viril mon kid, je l'ai jamais entendue réellement. C'est quelque chose c'est un non-dit, quelque chose de sous-jacent qui a été présent un peu toute ma vie par justement toutes ces figures qui m'ont entouré, ma mère, mon père et les gars en bas de chez moi. Mais la chanson sur votre mère, on sent une part d'amour très très fort. Et aussi, on a une empathie pour votre mère, cette posture de virilité presque, ouais. de maîtrise comme ça. Ouais. Ça ne devait pas être facile non plus pour elle en tant que femme. Totalement, totalement. Mais c'est un modèle de femme. Je l'aime parce que c'est ma mère, mais je l'aime aussi parce qu'elle m'a amené à la culture. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai eu autant la niaque et l'acharnement d'arriver jusqu'ici et de faire la musique de ma vie et de donner des coups de pied ou des revers à tous ceux qui voulaient pas que j'y aille. Je pense que ça peut être aussi un peu plus difficile d'être un garçon aujourd'hui parce que souvent on leur dit qu'ils sont machos. Enfin, il y en a qui sont pas tous mal, ils sont pas forcément machos. Enfin, je veux dire, on leur dit arrêtez d'être sexiste, machin. Bah, à un moment, peut-être qu'ils sont pas sexistes. Du coup, on leur dit t'es sexiste alors qu'ils sont pas sexistes. Du coup, à un moment, ça peut devenir dur et tout. Enfin, les filles, elles se défendent. Elles se défendent comme ça, un peu lourdement pour défendre la gente féminine. Enfin, c'est ce qui est normal parce qu'on a vécu des millions d'années. Enfin, moi, j'ai pas vécu des millions d'années, mais les femmes ont vécu des millions d'années inférieurement à des hommes. Alors que, du coup, c'est un mode d'autodéfense. Et à un moment, les hommes, ils sont pas forcément sexistes et ça leur retombe dessus. Alors, quand elle t'a ému. Quand elle m'a ému. Oh, c'est dur ça. Je sais pas. Attends. Putain, c'est trop drôle comme question. Attends. Ça, c'est pas facile. Hein. Alors, c'est marrant, il y avait deux questions qui marchaient jamais. C'était quand est-ce qu'elle t'a rendu fière et quand est-ce qu'elle t'a ému. Quand est-ce qu'elle t'a rendu fière, souvent, c'était quand j'ai donné un orgasme. Mais après, c'était pas des sources de fierté en fait. J'avais pas l'impression qu'il la regardait le matin en me disant oh, qu'elle est belle quoi. Au contraire, c'était ou des sources de doute ou chez certains, juste elle était là et c'était un organe comme une main et elle avait ses propres réactions un peu bizarres. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'assumer ma posture de fille. je veux garder cette position extérieure. Enfin, il y a un truc qui est capital, c'est que moi, je n'en aurai jamais. Et ça participe, ça nourrit totalement mon désir d'en savoir plus. Ça me frustre terriblement de me dire que, enfin voilà, je me sens très bien dans mon genre. Et du coup, dans ma vie, je ne saurais jamais ce qu'est ce plaisir-là, même s'il n'y en a pas qu'un, mais juste cet organe-là, quoi. J'aimerais bien, si on pouvait me permettre d'avoir un sexe pendant une semaine, je serais totalement preneuse. Un sexe masculin, mais. Donc ça c'est l'interrogation de base. J'y vais avec tous mes doutes nana, voilà, toutes mes interrogations, mon histoire amoureuse et sexuelle, mon histoire de genre. Quel a été, Esteban, ton chemin après le collège ? Alors, en troisième, donc à la fin de mon collège, j'ai eu une sorte de... pas de révélation, mais j'avais une psy depuis 2 ans. Et la première étape pour déjà m'accepter, avant que les autres m'acceptent, il fallait que je m'accepte moi-même. Et j'ai demandé à ma psy de convoquer mon père pour le... convaincre qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Et du jour au lendemain, je suis arrivée au collège avec les cheveux courts. Ça a été la grande surprise. Étonnamment, beaucoup de retours positifs. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et après, en arrivant au lycée, j'avais changé d'environnement. Donc, je connaissais pratiquement personne. Et ça m'a permis d'avoir un nouveau départ avec mes cheveux courts. Mais du coup, ça m'a posé d'autres problématiques. C'est-à-dire que mon prof principal de seconde m'a considéré comme un garçon pendant 3 mois. C'était très ambigu et c'était un peu compliqué même avec les élèves. Toujours les petites remarques, les bruits de couloir. C'est un garçon, c'est une fille. Tu t'appelais déjà Esteban ? Tu avais un prénom masculin ou... Alors Esteban, c'est que depuis septembre dernier, donc c'est très très récent. C'est joli comme prénom en plus. Ouais, bah, j'ai laissé mon père choisir. C'est parce ton papa qui a choisi. Je lui ai demandé, parce que c'est lui qui avait choisi mon prénom féminin, et je voulais pas... C'est pas parce que je change de prénom que je suis plus son enfant. Donc je voulais que ça soit quand même mon père qui choisisse. C'était important pour moi et pour lui aussi, je pense. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu lui as dit, papa, pour avancer, il faut que je change de prénom ? Ben, je lui ai dit très tôt par rapport à mon identité. Et il fallait le temps qu'il l'accepte. C'était un peu compliqué. Et l'année dernière, du coup, j'ai rencontré mon psychiatre et il m'a dit... si tout se passe bien, dans 1 an, tu pourras avoir tes hormones, commencer à changer physiquement, et dans la suite logique, changer de papier d'identité. Donc j'ai pris la décision de changer mon prénom administratif, et j'ai dit à mon père que c'était important pour moi qu'il choisisse l'autre prénom que j'allais avoir sur les papiers. Et il n'arrivait pas à se décider, c'était un peu compliqué pour lui. Et je me suis lancée à écrire une liste de prénoms. Mais c'est quand même lui qui a dit « Esteban, c'est bien ». Après, c'est compliqué de choisir un prénom à 18 ans. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser. Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Quand on s'arrête vraiment sur les paroles de Kid, de façon assez subtile comme ça, il y a presque toute la déconstruction décode du masculin. À l'époque, j'étais à rue Clignancourt, dans le 18e. J'avais écrit « Tu seras un homme, mon fils », et je ne connaissais même pas le poème de Rudyard Kipling, « If », l'anglais. Je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, alors là, l'inculte m'a donné quelque chose, voilà, je ne savais pas du tout. Je voulais déconstruire ce truc-là, parce que je m'y ressentais pas, et avec le recul, je me disais, mais putain, mais c'est pas ce que je suis, et pourtant j'ai été dans ce moule-là toute ma vie, et j'ai joué le jeu toute ma vie de ce rôle-là, de cette virilité-là. Mais, de Tu seras un homme, mon fils, je voulais le moderniser. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça un peu vieillot, et je voulais le, alors j'ai trouvé Kid, je me suis dit, Kid, c'est cool, ça me plaît, je suis un Kid, il y a un truc, un homme, tu seras un homme, mon Kid, et je me disais, non, viril, et ça me plaisait, c'est ça que je voulais déconstruire, c'est ça que je voulais aller, casser et raconter cette histoire-là de toutes ces personnes qui te disent, d'être comme ça, d'être fort, puissant, et de, faut y aller, faut l'objectif, faut jamais pleurer, faut jamais lâcher, Et c'est drôle, virilité abusive, le refrain, tout le monde me disait, oh, c'est un peu léger, c'est un peu léger. Et je trouvais bien que ce refrain soit si, vocalement, il est assez aigu. Et donc, du coup, je trouvais ça bien d'aller dans cette fragilité-là, avec si peu de choses. On a un couplet quand même vachement rentre-dedans, un peu tenu, frontal. Et on a un refrain tout en délicatesse, comme si ça lâchait tout et comme si c'était ça le point, c'est que d'accepter ce refrain, ce petit refrain de 30 secondes pour ensuite déclasser, décasser, décasser, déconstruire le tout. Souvent, quand on pense à une fille, on pense à du rose. On pense à du rose, à des barbies, à des princesses. Et quand on pense à un garçon, on pense à du rouge, du noir, à des chevaliers, à des dragons et des... Enfin, moi, quand j'étais petite, j'adorais les pirates. Je voulais devenir un pirate gentil. Donc, c'était vraiment des stéréotypes. Mais un garçon, c'est... Enfin, c'est une sorte d'obligé, parce que les stéréotypes existent depuis longtemps. C'est parce qu'on en parle, les stéréotypes, que les stéréotypes continuent d'exister. Les garçons, ils se sont obligés, parce que c'est comme ça depuis la préhistoire. Mais c'est complètement débile. Enfin, la loi du plus fort, si vient de battre, c'est un homme. Enfin, moi je te dis, vient de battre, c'est une femme. On se dépasse. Allez les gars, allez. Pauline Rousseau, vous cherchez à battre en brèche une certaine représentation des hommes, à leur conférer une fragilité avec vos photos des supporters du PSG ou les corps des boxeurs. Vous cherchez peut-être à déconstruire les stéréotypes masculins ? Ça m'intéressait de travailler avec ces hommes qui correspondaient parfois physiquement à des archétypes. C'est-à-dire qu'on associe la masculinité hégémonique à du muscle, à de la pilosité, des marques sur le visage, des cicatrices, à une certaine violence donc, qui va être associée aux boxeurs, à une certaine force physique. Et en fait, moi, ça m'intéressait d'aller quelque part à la source, si j'ose dire, c'est-à-dire d'aller vraiment me confronter à ces modèles-là, à ces, entre guillemets, archétypes. Parce que par contre, je ne pense pas du tout que les personnes que j'ai photographiées, connues lors de mes projets, sont des archétypes. Qu'est-ce que c'est en fait que les hommes ? Qu'est-ce que c'est que ce monde des hommes ? Et qu'est-ce qui se passe dans un vestiaire de boxe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-salle d'un tatoueur ? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde des hommes, finalement, qui est très très éloigné de moi, qui est une représentation la plus grande pour moi de l'altérité, de la différence, de ce qui m'est étranger, et j'avais envie de m'y confronter un peu physiquement en fait. Mais à la vision de ces photographies, ce qui moi m'émeut et me touche, c'est que vous leur avez conféré une fragilité, le fait qu'ils soient assis, le regard frontal, dans des poses qui n'ont pas l'air si figées que ça, il y a une espèce de contraste entre cette masculinité et la fragilité. C'est exactement ça, en fait, puisque ce travail, il est associé à un enregistrement sonore où, en fait, je faisais parler tous mes modèles et raconter vraiment des histoires de vie, des parcours, des histoires sentimentales aussi, beaucoup, des failles, des faiblesses, des fragilités. Et c'est exactement ce contraste-là qui m'intéressait, en fait. Tous ces papillons, je les ai faits il y a... ces tatouages... J'ai perdu ma mère il y a 10 ans. Ma mère est pour moi. Le papillon, c'est ça, c'est la fragilité, la liberté, l'envol, la métamorphose aussi, l'éphémère. Ces papillons, c'est ma mère. Et voilà, ces papillons, et puis qui s'envolent vers le haut, parce que depuis qu'elle est partie, eh bien, ma vie a complètement changé. Et voilà, elle est partie d'un coup, comme ça. Et par exemple, les boxeurs, alors ils sont photographiés dans le vestiaire, ils ne sont pas sur le ring, ils ne sont pas dans une position de guerrier, de combattant, ouais, dans une musculeuse. Ouais, ils ne sont, sont pas du tout présentés de manière comme des winners. Ils sont vraiment dans une position de relâchement, ils sont seuls dans le vestiaire, ils ne sont pas dans une position dynamique. Voilà, je me situe en opposition de cette représentation masculine liée à l'action, à la concurrence, au fait d'être dans la démonstration physique. Ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse, en fait. Comment tu continues ta transformation vers le masculin? Tu la continues ou pas? Bien sûr. Alors, le mois dernier, j'ai fait une hospitalisation de jour pour faire une batterie de tests pour pouvoir commencer mon hormonothérapie. Donc, j'ai rencontré mon endocrinologue, etc. Et normalement, ma commission va tomber dans quelques jours. Normalement, on m'a dit qu'il y avait très peu de chances qu'on me donne une réponse négative. Et à la suite, je vais avoir une ordonnance pour avoir des injections. Et j'avais des questions sur lesquelles il fallait que je réfléchisse. Par exemple, pour la stérilisation. Si j'avais envie de congeler des ovules pour avoir un enfant qui ait mes gènes plus tard. Bon, c'était un peu complexe et en plus on m'a dit que ça marchait très très très rarement, donc j'ai pris la décision de ne pas le faire, mais voilà, enfin plein de questions aussi sur la suite, si j'ai envie de continuer, parce qu'il y a des opérations par la suite, si, parce que tous les transgenres ne vont pas forcément jusqu'au bout, ils s'arrêtent à un certain stade s'ils veulent juste les papiers d'identité, être reconnu comme un homme. Ils sont pas obligés d'être opérés de la poitrine ou de leur sexe. Donc moi, je pense que j'irai au moins jusqu'à la poitrine. J'étais très déterminée pour aller vraiment jusqu'au bout parce que je me sens plus homme que trans. Mais je sais que c'est une opération à risque qui peut être compliquée et j'ai pas forcément envie de mettre non plus ma vie en péril. Donc déjà voir avec les hormones comment j'arrive à m'accepter en tant qu'homme et si c'est vraiment insoutenable, voir j'ai encore toute la vie devant moi pour... Alors, t'arriverais à dire, toi, c'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui? On m'a déjà posé la question plus d'une fois et j'ai jamais su y répondre parce que par mon identité j'ai du mal à avoir un recul suffisant, mais mes futures transformations physiques, on va dire, moi j'aime pas tout ramener à moi, mais c'est vrai que on pense souvent aux muscles, à la pilosité, tout ce qui suit. Mais après, un homme... Tu J'avais en parallèle avec cette chanson, cette histoire du mythe, de toute la mythologie grecque et ce culte du corps. Et moi, ça me plaisait. Je commençais à mettre sur Instagram des photos de dieux grecs, un peu comme ça, qui étaient hyper développés, avec souvent d'ailleurs des tout petits pénis. La virilité se fait aussi dans la corporalité de toute cette construction. Tellement je n'étais pas dans les normes physiques, via ma morphologie, je suis même allé à aller prendre des cours de sport à la salle de sport pour justement me construire et me développer, parce que je me sentais pas du tout en adéquation avec l'entourage, en tout cas de tout ce qu'on me proposait visuellement. Et dans mon clip, je voulais mettre justement ce corps frêle, on revient au corps, nu, en tout cas torse nu. Pour justement montrer et déconstruire le fait que, voilà, tout ce qu'on attend d'un mâle, d'un homme aujourd'hui, d'un alpha mâle, je ne le suis pas et pourtant je peux en parler, mais c'est pas pour autant que je suis dénué de toute virilité. Que la virilité, elle est pas, c'est pas tout ou rien. C'est que je suis pas en train de cracher sur la virilité dans le sens, il n'en faut pas, c'est important, je pense. C'est juste trouver un équilibre entre justement cette part de virilité et d'une certaine sensibilité. Vous dansez? Que je vous voyais. Oui, je danse, j'adore danser en tout cas. Ouais. J'ai fait 3 ans de danse classique et 3 ans de modern jazz. J'ai pris des cours vers 18-19 ans. Voilà. Mais quand même, bizarrement, je faisais pas le fier en juste au corps pour aller danser le classique. Parce que j'étais rempli de ces codes-là, justement. Je faisais pas le fier, ouais. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plus facile ou plus difficile dans la construction du masculin parmi les jeunes de vos âges? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment rêver à des masculinités plurielles? Je crois. On dirait que je suis un vieux quand je dis ça, mais la génération d'en dessous... Vous pouvez me rappeler votre âge? J'ai 26. Ouais. Les jeunes de 20, 19, 20 ans... J'ai l'impression qu'on est, c'est ok, ils sont ok avec ça. C'est ok, il n'y a pas de souci, t'es ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et la proximité amicale entre hommes et femmes est de plus en plus fluide, liée, je trouve, en tout cas de ce que je ressens. Et il y a beaucoup moins cette barrière garçon-fille que je pouvais voir moi dans la cour de récré à l'époque. La virilité, c'est un plus, pour moi, c'est un art de vivre. Enfin, un art de vivre. C'est quelque chose de l'ordre d'un code dans le social. Le masculin, c'est malgré tout inné. C'est plus une question d'ordre esthétique. Masculin, je trouve qu'il y a une beauté du masculin. La virilité, bon, certainement, ça peut fasciner. Moi, je ne vois pas de beauté dans la virilité, par exemple. C'est quelque chose qui m'angoisse, qui me fait peur et qui ne me séduit pas. Alors que le masculin peut me séduire. La virilité, c'est des actes, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir. Moi, me terrifie. Ça, je pense que ça vient de je ne sais pas. Je pense par exemple à Tennessee Williams, parce que quand même, c'est assez beau le parcours. Lui, il a toujours regretté l'androgynie. Et en fait, dans tout son théâtre, les femmes sont des hommes. Blanche Dubois, par exemple, Très Bonhomme Désir, c'est un homme, c'est sa sœur Rose. Et les hommes sont très féminins. Le jeune homme de La Chasse aux Toits Brûlants, par exemple. Mais ça, c'est très intéressant parce que lui-même a souffert de ça toute sa vie. Sa sœur, qui était très libre, Rose, qui se conduisait comme un homme parce qu'elle avait des amants, des relations sexuelles, elle a été lobotomisée pour ça. Les femmes qui étaient trop libres dans les années 20-30, qui avaient donc une masculinité en elles, étaient enfermées, c'était des folles, des sorcières. Tennessee Williams, lui, était l'inverse de sa sœur, enfin, il était dans la féminité, puisqu'il était, voilà, le miroir inversé, c'était un homosexuel. Et donc, toute sa vie, il a voulu rejoindre le masculin et le féminin, et il n'aura écrit finalement que des rôles d'androgyne. Et l'androgyne, la figure de l'androgyne est très importante pour lui, notamment dans ses poèmes. Ben, moi, je suis comme ça. Je suis pas loin de penser ça. Donc les pièces de Tennessee Williams, bah finalement, ça a été l'hyper masculin. C'est Marlon Brando, c'est toute cette imagerie. Arrive le XXIe siècle avec cette notion de transgenre et de toutes ces personnes qui changent de sexe parce qu'ils ne se sentent pas bien dans un. Mais je suis fasciné par ces êtres-là qui annoncent pour moi une réconciliation possible, un changement mais fondamental. J'espère voir ce règne de l'androgyne. Voilà, ce règne de l'androgyne arrivé. différence quand même que tu aimes dans le féminin par rapport au masculin, ou pas forcément l'un contre l'autre? Alors, ce qui est assez complexe, c'est que j'aime pas mon corps parce que j'ai un corps féminin, mais ça m'empêche pas d'aimer les filles. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait se dire que le fait que j'aimerais avoir un corps d'homme pour aimer mon corps, sauf que j'ai une sorte de répulsion du corps masculin, mais pas pour mon futur corps. Enfin, c'est assez... on va dire... je sais pas comment dire... C'est les corps masculins ou c'est des attitudes ou des... C'est les corps. Alors, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais j'ai vu un film qui s'appelle Boys Don't Cry. C'est une femme qui veut devenir un homme. Donc, dans le film, il s'appelle Brandon. Et... il va suivre un groupe de gens qui ne connaissent pas son identité féminine. Et du coup, après qu'ils découvrent que Brandon leur a menti sur son identité, dans un excès de violence, décide de la considérer comme une prostituée. Et la scène du viol m'a énormément marquée. Et j'ai une... Ayant un corps de femme, j'ai cette insécurité d'avoir ce corps-là. Enfin, la simple idée d'être à la place de ce personnage-là, ça me donne des frissons. Ça me met vraiment, vraiment pas bien. Et je sais pas si c'est un avantage, mais je me dis toujours que... je pourrais jamais devenir comme ces hommes-là, parce que justement je sais ce que c'est que d'être une femme, donc je pense pas pouvoir devenir macho du jour au lendemain ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas mal dans l'idéal d'avoir pu, si tu veux, connaître un peu les deux, quoi. On m'a déjà fait la réflexion, des amis proches qui me disent ah bah t'auras connu les deux, c'est quand même sympa, parce que on m'a déjà dit moi j'aimerais bien une journée être dans le corps du sexe opposé, mais moi j'ai l'impression que les gens ils y pensent un peu comme un jeu, et du coup c'est un peu ça fait un gros contraste avec moi qui en souffre, mais on peut que être ouvert d'esprit après une expérience comme ça. Je saurais pas dire ce que c'est qu'être un homme, mais je dirais que c'est la possibilité de se laisser à soi-même et aux autres hommes, puisque l'idée de cette masculinité hégémonique qui écrase les autres masculinités, ça laisse pas la place aux faibles, à ceux qui ont une sexualité plus ambiguë, à ceux qui veulent montrer leur fragilité. Et peut-être qu'être un homme aujourd'hui, justement, c'est accepter qu'il n'y a pas une masculinité ou une virilité, mais plusieurs, et que d'ailleurs les femmes peuvent être viriles aussi. Et je dirais que c'est se positionner comme ça, en fait. C'est pas se positionner de manière conquérante et dans un rapport de force aux autres, mais d'être plutôt dans l'acceptation, finalement. L'acceptation de ses propres faiblesses, de sa propre fragilité, de ses différences aussi, et des différentes masculinités qui existent, et des femmes. Qu'est-ce que vous ont apporté les femmes ou les filles ? Beaucoup, énormément. J'ai souvent... j'ai eu beaucoup de femmes comme ça qui ont représenté énormément de choses et aujourd'hui qui sont mes amies encore. Mais c'est vrai, quand je suis allé dans mon collège privé catho, parce que ma mère voulait pas que justement je tourne mal, je la cite, dans le quartier, du coup elle m'a mis en privé catho. Et là justement j'ai rencontré tout un groupe de filles avec qui on a lié des amitiés hors normes et c'était cool. Mais j'aimerais parler d'une femme et je suis en train d'écrire dessus qui m'a énormément inspiré. C'est ma tante. Elle était parisienne. Elle habitait à Montmartre, dans un petit appartement à Montmartre, un grand appartement à Montmartre. Moi, j'habitais en banlieue, donc on allait la voir. C'était un peu le rêve parisien. Elle était danseuse au Lido. Et donc, du coup, elle avait toute cette liberté du corps que moi, je ne connaissais pas du tout. Et même au-delà du corps, elle avait toute cette liberté, point. Je me rappelle, chez elle, elle avait des photos avec sa copine qui était hollandaise, où elle se posait nue. Donc, elles avaient plein de polaroïdes partout, tout autour de la cheminée, de le miroir, où elles étaient tout le temps nues. Et je me disais, mais Tati, qu'est-ce que tu fais là? T'es toute nue. Et elle fait, oui, bah, c'est moi. Elle était un peu folle comme ça. Et il y avait des statues partout, des tapis, des tableaux de Picasso, de tout le monde, parce qu'elle avait un mari qui avait nanani nanana. Et donc, partout, il y avait des tableaux et c'était l'appartement parisien rêvé. C'était la vie que je rêvais, c'était la vie qui m'a beaucoup influencé. Et elle avait cette folie un peu des grandes vies de l'époque parisienne, avec toutes les années folles, tout ça, ça sentait la folie, la fête, et moi ça me plaisait beaucoup. Et je pense que c'est elle qui m'a le plus inspiré, et de plus en plus j'y reviens, parce que je pense qu'elle a fait beaucoup dans ma construction. C'est drôle, dans la déconstruction de ma famille, du coup, enfin de ce que j'étais par mon mère et ma père, c'est joli, exactement, ce que je devais être là, en tout cas. Et quand j'allais chez ma tante, il y avait comme tous ces codes qui tombaient à l'eau. Mais moi, j'étais très touchée parce qu'on parle de femmes et vous faites une reprise de Barbara et cette chanson d'amour, quand vous la chantez, c'est du bout d'Hélène, nanana. Barbara. Ouais, Barbara. Eh ben, écoutez, Barbara, pour moi, c'est ma mère. Ouais. Elle est représentée par ma mère parce qu'elle écoutait à fond. Ma mère a toujours ce petit air un peu triste aussi, comme Barbara pouvait avoir un peu cet air grave, mélancolique. Et je pense que ça vient de là. Et je me rappelle, j'ai une scène un peu comme ça imagée de ma mère qui passe l'aspirateur et bah elle mettait si fort que Barbara, on n'entendait même plus l'aspirateur, que Barbara chantait par-dessus. Et c'était vraiment dingue. Alors moi, à cette époque-là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle braille celle-là, qu'est-ce qu'elle me fait chier avec ses mots chiants, avec sa façon de chanter chiante, dépressive. Et voilà, et j'étais pas du tout dans ces... Et puis tu grandis et puis tu t'aperçois que ça te laisse énormément de traces. C'était une légérie et du masculin et du féminin, je trouve. Et à ce sens frontal, cet air un peu... C'est toute cette gravité-là qu'elle amène et qui pourrait être liée au masculin. Et toute cette fragilité-là qu'on peut retrouver dans ses mots ensuite. Et récemment, je cherchais une reprise et c'est un ami qui m'a dit « écoute ça ». Et elle m'a énormément touché et je l'ai reprise tout de suite. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute. Dites-le-moi tout doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles en été, un jour et au soleil. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Merci à Garance Bonotto, comédienne, metteuse en scène, conceptrice du projet Phallus Story, Léonore, collégienne d'11 ans et demi, Esteban Nadrou, étudiant en cinéma, Christophe Pelé, écrivain et cinéaste, Eddie Despreto, chanteur, Pauline Rousseau, artiste photographe. Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent? Interroger le genre, c'est quoi un garçon? Juliette Boutillier, réalisation Vincent Deck. Mon rêve.